le cœur cassé, fais attention où le cacher. Petit garçon, retiens la leçon de ton passé. Même si tu pardonnes, maintenant tu protégeras ton dos. Y'en a c'est des poisons, t'en éloigner c'est le seul antidote. Depuis Minos et Pequeño, moi le raid je n'en veux pas. Si le destin nous sépare, on se reverra quelque part. Dans mon ghetto, y'a que des soldats, y'a pas de fils de général. Et les victimes du système, c'est pas les riches en général. Oh la la la la, il faut pas s'affoler. Et la haine de ces gens, il faut en rigoler. On finira pas la la la, la la la la. Mais qu'est-ce qu'on fout la la la, la la la la. On finira pas la la la, la la la la. Mais qu'est-ce qu'on fout la la la, la la la la. On finira pas la la la. Il y a plein de couleurs, j'oublie ma douleur. Ils m'ont rien donné, c'est tous des voleurs. Aucun amour, ils nous donnent que la mort. On va se barrer sa mère, mort de tenir les murs. Dis à Mazina, c'est bon, oublie-moi. J'ai dormi sur ciment, j'ai quitté la capitale. Le cœur s'abîme en recomptant mes amis. Ça fait des années que les fleurs de l'âge ont fané. Un couloir sombre là-bas, je suis plus un lionceau, baba. Je dirais toujours ça va, surtout quand ça va pas. Oh la la la la, il faut pas s'affoler. Et la haine de ces gens, il faut en rigoler. On finira pas la la la, la la la la. Mais qu'est-ce qu'on fout la la la, la la la la. On finira pas la la la, la la la la. Mais qu'est-ce qu'on fout la la la, la la la la. On finira pas la la la. La la la la, on finira pas la la la.